laisse-toi aller, allez, allez, aime-moi, laisse-toi aller. N'aie pas peur de souffrir, un jour, un jour, un jour, de souffrir, un jour. Le soleil nous attend déjà, déjà, déjà, le soleil nous attend déjà. Si tu veux, nous partons, demain, demain, demain, si tu veux, nous partons. Viens, viens, au bout du monde. Alors, chez moi. Aime-moi, laisse-toi aller, allez, allez. Aime-moi, laisse-toi aller. C'est la vie, je t'assure, la vie, la vie, la vie, de faire des folies. Aime-moi, laisse-toi aller, allez, allez, aime-moi, laisse-toi aller. Je te jure que jamais, jamais, jamais, jamais tu n'auras de regrets. Tu as peur que l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, notre amour ne dure pas toujours. Le printemps lui aussi s'en va, s'en va, s'en va, mais c'est beau le printemps. Aime-moi, laisse-toi aller, allez, allez, aime-moi, laisse-toi aller. Aime-moi, laisse-toi aller, allez, allez, aime-moi, laisse-toi aller. Aime-moi, laisse-toi aller, allez, allez, aime-moi, laisse-toi aller. Aime-moi, laisse-toi aller, allez, allez.